les journalistes étaient-ils tous pourris à l'époque de Balzac? Vous avez peut-être vu « Illusion perdue », le film réalisé récemment par Xavier Giannoli, qui est l'adaptation d'un célèbre roman d'Honoré de Balzac. On y trouve une satire impitoyable du monde de la presse tel qu'il existait dans les années 1820, quand Charles X régnait sur la France. Balzac considérait ce roman, qu'il a publié entre 1837 et 1843, comme l'une des pièces maîtresses de son œuvre, n'hésitant pas à affirmer qu'il s'agissait d'une histoire pleine de vérité. Pourtant, il fut très mal accueilli par ses contemporains. Certains dénoncèrent un livre dégoûtant et cynique, y voyant une vengeance de Balzac contre la presse, puisqu'il avait lui-même fréquenté sans succès le monde des journalistes dans sa jeunesse. Le film de Xavier Giannoli insiste longuement sur cette partie du roman, en présentant les journaux de l'époque comme de petites mafias, de scribouillards sans foi ni loi, se contentant de vendre leur prose aux plus offrants, et capables de faire ou de défaire la réputation des auteurs de poèmes, de romans ou de pièces de théâtre. Il faut pourtant rappeler que ces journaux littéraires ne constituaient qu'une petite partie de la presse de l'époque. Le film n'aborde pratiquement pas les rapports entre ces journaux et le pouvoir d'État, problème pourtant essentiel à cette époque. Les forces de gauche, qui ont dû accepter la restauration des Bourbons sur le trône, ont compris que la parole imprimée, véhiculée par les journaux, mais aussi par les livres, serait désormais l'arme principale du combat politique, à condition d'élargir le cercle des lecteurs pour atteindre les couches les plus profondes de la société. C'est en utilisant cette arme que les journaux d'opposition s'efforcèrent de répandre les principes subversifs issus de la Révolution. L'incrédulité religieuse, la liberté de pensée et de conscience, la contestation des privilèges donnés par la naissance, etc., etc. À l'inverse, la monarchie craignait l'influence politique de la presse, comme le prouve ce rapport transmis à Charles X le 25 juillet 1830 par Jules de Polignac, président du Conseil. Je le cite. « Ce serait nier l'évidence que de ne pas voir dans les journaux la principale source de calamité qui menace le royaume. Nulle force, il faut l'avouer, n'est capable de résister à un dissolvant aussi énergique que la presse. » Convaincu par son ministre, le roi signa alors une ordonnance qui suspendait la liberté de la presse et une autre prononçant la dissolution de la Chambre. Le lendemain, les journaux de l'opposition appelèrent le peuple à la résistance. Ce fut le début de la révolution de 1830 qui renversa Charles X pour installer au pouvoir Louis-Philippe, qu'on surnomme le roi bourgeois, parce qu'il fut massivement soutenu par la bourgeoisie. C'est sous son règne que la presse prit véritablement son envol. Non seulement les lois antérieures sur la censure furent supprimées, mais deux autres facteurs assurèrent le développement spectaculaire de la littérature imprimée. Grâce à la loi Guizot sur l'école, votée en 1833, le nombre des Français capables de lire le journal augmenta rapidement. 3 ans plus tard, Émile de Girardin fonda la Presse, un nouveau quotidien faisant largement appel à la publicité pour se financer. Les lois du capitalisme commencèrent alors à s'imposer dans le monde de la presse.